Annie Lebrun, en 1977, vous publiez Lâchez tout aux éditions Le Sagittaire. Alors, c'est un livre qui fait scandale, dans lequel vous attaquez le féminisme avec un grand F et nominalement nombre de ses représentantes. Par contre, bien des femmes révoltées contre le féminisme même et qui se sentaient violentées par la misogynie masculine, certes, et féminine également, pensent que ce livre est en quelque sorte un ballon d'oxygène. Alors depuis, ce texte a été réédité avec d'autres, comme le fameux « Vagiteprope » aux éditions Ramsay-Jean-Jacques Pauvert en 1990. Alors en voici un extrait. « Dans ce qui se dit ou s'écrit au nom des femmes, je vois revenir sous prétexte de libération tout ce grâce à quoi la femme a traditionnellement été amoindrie. On se déclare contre la famille, mais on exalte le triomphalisme de la maternité qui la fonde. On s'attaque à la notion de femme-objet, mais on travaille à la remontée promotionnelle du mystère féminin. Enfin, si les rapports entre les hommes et les femmes sont dénoncés comme rapports de force, c'est pour devenir le point de départ d'une théorisation des joutes conjugales les plus accablantes. Autant de nouvelles raisons de me féliciter encore d'avoir quitté définitivement les cul-de-sac de la sensibilité dite féminine. De plus, rien ne saurait me faire revenir sur mon aversion naturelle pour les majorités, surtout quand celle-ci se compose principalement dans les pays occidentaux de martyrs à mi-temps. » Alors, Annie Lebrun, on va faire ensemble le point, si vous en êtes d'accord. La lutte, disons le combat aujourd'hui pour la liberté est encore une histoire de femmes, comme d'ailleurs on l'a souvent vu dans l'histoire. Disons les noms par exemple de Flora Tristan ou de Louise Michel. Et vous reconnaissez Annie Lebrun dans ces deux belles figures de la révolte et de l'insurrection. Oui, enfin, encore une fois, c'est tout à fait normalement. Très tôt, disons à 16 ans, quand j'ai commencé à être un peu consciente, j'ai décidé que ma vie ne serait pas ce qu'on voulait qu'elle fût. Et très tôt, j'ai eu effectivement une admiration et une déférence sans borne pour des personnages comme Louise Michel, comme Flora Tristan, certainement en tant que femme, mais aussi en tant qu'elles avaient inventé leur liberté contre tous les déterminismes sociaux, naturels, biologiques, historiques. Et là, c'est vrai, pour moi, effectivement, c'était des figures de la révolte que je ne pouvais que reconnaître. Et puis, c'est pour ça que j'ai eu l'impression à la fois d'une sorte d'agression et d'un terrible gâchis dans les années 70 avec l'apparition de l'idéologie que j'ai appelée néo-féministe, c'est-à-dire au moment où les femmes, pour la première fois dans leur histoire, avec la contraception, la possibilité d'échapper à ce que Rimbaud appelait leur infini servage, eh bien voilà que sous prétexte de libération, c'est constitué cette idéologie néo-féministe. Donc, sous prétexte de libération, on embrigadait, on se rassemblait pour se ressembler. Pire, sous prétexte de libération, on se proposait de censurer. C'est quand même le comble, un mouvement de libération qui commence par censurer. Et alors, c'était Sade, c'était Nietzsche, c'était Rimbaud, c'était Freud. Dans le programme commun qui avait été proposé dans les années 70, par Gisèle Halimi, il y a la liste des choses à censurer, et c'était pour nous refiler des génies du genre Benoît de Groot, Hélène Cixous, Halimi, Antoinette Foulque. Alors bon, vous comprenez que là, moi, quand même, j'étais très perplexe. Et puis, voilà enfin que, sous prétexte de libération, il y avait une certaine... Enfin, la bêtise militante à l'état pur revenait, et mettait en place une idéologie fondée sur la haine des hommes et pour en même temps rejeter les femmes dans une sorte de ghetto de la femellitude, si je puis dire. Et là, le résultat s'est pas fait attendre. Alors on a vu les féministes reproduire de façon caricaturale les pires fonctionnements idéologiques qui avaient été ceux des hommes. Et ce n'est pas par hasard si à l'époque j'ai parlé de stalinisme en jupon, parce qu'on se trouvait avec un mouvement avec ses bureaucrates, son esthétique consternante qui équivalait au réalisme socialiste. Tout d'un coup, on avait du réalisme féministe, développant le pompiérisme d'un art féminin, d'une écriture féminine, et qui condamnait les femmes à des thèmes exclusivement féminins. Et c'est-à-dire que c'était complètement le contraire de ce dont rêvait encore Rimbaud. Et vous savez, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu, ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres. Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Et le malheur, c'est qu'on a vu apparaître une médiocrité de plus en plus triomphante, qui trouve aujourd'hui son aboutissement dans un néo-érotisme, ce que j'appelle l'érotisme unisexe, qui est un érotisme de petites ménagères qui ont pris en main la question érotique. Parce que bon, quand même, les formes caricaturales que ça avait prises de la haine des hommes, ça n'a pas pu durer. Parce que le problème, c'était que d'un côté, il y avait des bureaucrates qui, sous prétexte d'enseigner la liberté aux autres femmes, prenaient un pouvoir, exerçaient un pouvoir, et c'est que les femmes n'ont pas suivi, donc il a fallu réajuster. Il est aussi remarquable que toutes ces dames, Badinter, Halimi, tout ça a complètement changé d'avis sur la question. Dans la réédition de Lâchez-tout dans Vagique propre, je me suis amusée à faire avant-après et à faire deux colonnes avec les propos des unes et des autres qui sont absolument l'inverse de ce qu'elles disaient auparavant, que ce soit Marguerite Duras, que ce soit Julia Kristeva. Donc tout le chic et le toc intellectuel féministe a donné là-dedans, mais dans le fond c'était pour exercer un pouvoir et profiter de la misère réelle et des difficultés réelles que les femmes avaient à affronter. Maintenant, les femmes écrivent quand même, par exemple, des textes érotiques dont vous dites qu'ils donnent assez bien le degré de la misère sexuelle dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, c'est pas, enfin, y a pas tellement à s'étendre là-dessus. C'est absolument consternant. Donc, parce que c'est la médiocrité ambiante, c'est la misère ambiante, et elles reproduisent ça avec un sens de l'organisation. C'est pour ça que je parle de petites ménagères. Et alors, ce qu'il y a de tragique dans tout ça, c'est que justement, au moment où les femmes pouvaient vraiment conquérir leur liberté, puisqu'avec quand même l'histoire de la contraception, bien ça en était fini de la difficulté biologique, eh bien, qu'elles ont en quelque sorte complètement raté le train, parce que elles ont fait preuve d'une cécité remarquable justement à l'égard de tous ceux qui avaient essayé de penser la liberté et de penser justement la liberté des femmes. En particulier la haine des femmes à l'égard de Sade est quelque chose d'accablant. Parce que, vous pensez par exemple au personnage de Juliette. Oui, quelle que soit sa violence à l'égard de toutes les formes de soumission féminine, pour lui, il n'y a pas de différence essentielle. Mais ce qui vaut la peine d'être remarqué, c'est qu'au moment où Sade cherche justement à savoir qu'est-ce que c'est dans sa réflexion, qu'est-ce que c'est que concrètement la liberté, qu'il en vient s'intéresser à celle des femmes. Justement parce que la situation des femmes était tellement entravée qu'en choisissant un personnage féminin comme celui de Juliette, pour montrer quelle sorte de travail est la liberté, il raconte en quelque sorte l'histoire de cette conquête à partir de toutes les ruptures, de tout ce à quoi un être doit s'opposer pour conquérir sa liberté. Parce que si l'histoire de Juliette est une révolte continue contre les différents rôles que la société impose aux femmes et qui sont des rôles de soumission, que ce soit les femmes, les mères, que ce soit mère, fille, putain. C'est aussi, donc c'est toutes ces formes de soumission que Juliette refuse. Au fond, ce que fait Sade, c'est un catalogue de toutes les formes d'asservissement. Oui. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'histoire de Juliette est une, Et c'est l'histoire d'une révolte continue contre tous les rôles que la société impose aux femmes. Mais aussi, et c'est pour ça que c'est tellement, que la pensée de Sade, à mon avis, est tellement précieuse dans cette optique, c'est aussi une révolte métaphysique tout aussi violente contre les déterminismes naturels en général. Et c'est pour ça que Sade a choisi le personnage d'une femme, pour montrer l'ampleur en quelque sorte et la nécessité d'une révolte continue et continuelle. Il va montrer comment la liberté se conquiert au cours d'un affrontement entre le corps et la pensée et au cours d'une continuelle surenchère entre la violence de l'un et de l'autre. Et dans le fond, s'il se sert du personnage de Juliette, c'est pour donner corps à l'idée et donner des idées au corps. Et c'est ce qu'il y a de remarquable, c'est que Sade a réservé ce travail-là à une femme. Et qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est la conquête d'une sorte de matérialité de la liberté. Alors, il y a aussi un point que j'aimerais éclairer avec vous, Annie Lebrun, tout de suite, puisqu'on parle de Sade. Alors, c'est peut-être pas le lieu de l'émission, mais enfin, peu importe, ça fait rien. C'est-à-dire, l'attaque effectivement très violente des féministes contre Sade, qu'ils l'ont assimilé, il faut bien dire, à Hitler et aux pires crimes nazis, était assez intéressante, puisque dans votre livre, si j'ai bien compris, quand vous parlez de Sade, vous expliquez aussi quelque chose qui est très précieux et très important à mon sens, c'est que c'est précisément en lisant Sade et en comprenant quelle partie de nous, au fond, est criminelle dans le désir, qu'on peut analyser réellement ce qui s'est passé au XXe siècle et tous ces meurtres qui ont eu lieu. Et au fond, vous renversez complètement l'interprétation des féministes dont vous dénonciez la haine contre Sade, et vous dites, lire Sade aujourd'hui et comprendre ce que Sade explique de notre propre désir à chacun, de notre désir de criminalité, est la meilleure manière, au fond, d'éradiquer le crime politique. Oui, c'est en ça que Sade est impardonnable et qu'il reste un des plus grands indésirables. Le problème, c'est que ce qu'on ne pardonne pas à Sade, c'est justement d'avoir vu que à l'origine du désir, il y a la criminalité et que dans la fût-on sadique ou non, que dans la réalisation du désir, il y a une sorte de férocité, une sorte de violence qui peut être ramenée à la criminalité. Alors de ce fait, quand on commence à concevoir que cette criminalité ne nous est pas étrangère, elle est en nous, on peut regarder le monde différemment. Et on peut avoir un regard pas du tout simplificateur sur ce qui se passe sur les êtres et sur les événements. Et c'est pour ça. Alors, quant à lire les 120 journées, c'est une épreuve que, enfin, moi, dont à chaque fois je sors très difficile, complètement bouleversée, parce que ce que Sade réussit là, c'est tout d'un coup à faire qu'on est, je ne dirais pas vraiment excité, je reprendrai le mot de Bataille qui a très bien vu ça, c'est qu'on est énervé au sens presque 18e, du mot. C'est-à-dire qu'on est énervé par la lecture des 120 journées. C'est-à-dire que l'évocation de ces atrocités, tout d'un coup, met en branle quelque chose en vous dont vous étiez persuadé, avec quoi vous étiez persuadé n'avoir rien à faire. Et là, il y a quelque chose d'insupportable, ce que ça réveille là en nous. D'un autre côté, c'est la conséquence de tout ça, c'est que ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est aussi donc de montrer par là que la liberté est dangereuse, que la liberté est obscure. Et ça, c'est vraiment son apport essentiel. Et ça, on ne veut pas le voir. Je pensais en vous écoutant également au fait que quand on écoute ces critiques, disons, issues du féminisme, elles rejoignent les pires moralistes du 19e siècle, et par exemple les textes de Jules Janin et des choses comme ça. C'est assez, oui, mais bon, c'est quand même tout ça, c'est une idéologie de dame patronesse. Ça a été tout d'un coup, des bourgeoises se sont penchées sur la misère des femmes et ont produit cette sorte de sani qui est l'idéologie des dames patronesses, etc. C'est de ce qui est, laquelle a fait modèle tout de même, puisque aujourd'hui on peut dire moraliste. que tous les particularismes au fond se reconnaissent dans un mouvement comme celui des femmes. C'est en ce sens-là que moi je suis encore très triste, parce que c'est une forme, avec ce qui s'est passé dans les années 70 avec ce néo-féminisme, c'est une formidable occasion manquée, surtout quand on se souvient ce que la réflexion que développaient les garçons, les homosexuels du phare était tout à fait différente. Il y avait quelque chose de profondément libertaire là-dedans, de complètement ouvert. Or maintenant, par la force de la quantité, il se trouve que le modèle néo-féministe, c'est devenu une sorte de modèle calamiteux pour tous les mouvements identitaires qui, à chaque fois d'une révolte à l'origine justifiée, en arrivent tous à fabriquer une idéologie du même, renvoyant au même et produisant ce que j'ai appelé là dans du trop de réalité, ces absolus relatifs, d'où le négatif est complètement exclu et où le monde est désespérément vu par le plus petit bout de la lorgnette identitaire. Et quand je dis désespéré, que c'est désespéré, parce qu'on a l'impression que l'affirmation de l'identité doit toujours se faire au détriment de l'individualité. Dans le fond, il me semble qu'on ne peut se réclamer d'une identité que négativement, c'est-à-dire quand vous êtes menacé. Oui, c'est-à-dire devant des misogynes, vous êtes effectivement une femme. C'est ça. Devant des racistes, je suis solidaire des autres femmes. Devant des racistes, je vous suis êtes nègre. Voilà. Devant des antisémites, vous je êtes juive. Je suis juive. Voilà. C'est ça. Mais le problème, c'est que maintenant, justement, cette sorte d'identification négative est la chose la plus rare qui soit, et que le pire est aujourd'hui qu'on se rassemble non seulement pour se ressembler, mais en plus pour s'intégrer. Ce qui fait que ce qui est tellement mis en avant comme la différence est devenu le principe normatif. En même temps, les choses sont quand même dites. Hein. Par exemple, vous citez la fin de L'un et l'autre d'Elisabeth Badinter. Elle écrit ceci, notre cœur mutant ne cherche plus les affres du désir. On pourrait presque dire qu'il n'en a que faire. Le modèle de la ressemblance va de concert avec l'éradication du désir. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est quand même une affaire d'embarras, au fond, quelque part. C'est-à-dire que les gens, que faire avec son corps, que faire avec ses désirs, que faire avec sa pensée, que faire. Il s'agit de la haine du corps, il s'agit de la liquidation de l'individu, il s'agit à travers la haine du corps de la liquidation du négatif, c'est-à-dire de tout ce qui est à travers l'individualité physique et a fortiori à travers l'individualité érotique, la liquidation de tout ce qui est, de tout ce qui peut être la source de la révolte. Alors bon, on pourra revenir après quand on va reparler, mais c'est d'Elisabeth Badinter. Mais il s'agit là, cette éradication du désir, c'est une monstruosité. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce livre dont il a été fait grand cas, eh bien, personne n'a relevé, parce que là, c'est quelque, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de criminel, hein, ce désir. Mais le problème, c'est que maintenant, on arrive on peut en mesurer les dégâts avec la banalisation de toutes ces idéologies où le même doit renvoyer au même, et tout ça au prix d'une désérotisation générale et d'une indifférenciation totale. On dépassionne le monde, et c'est ça qui est grave. Donc, on va faire un monde de petits esclaves qui remplissent leurs fonctions dans les domaines où ils sont. Pour lesquels, d'ailleurs, le sexe ne sera au fond qu'une façon qu'une fonction comme une autre, c'est tout. Comme manger quand on a faim. C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est là où est, par exemple, le crime sensible de cette formulation, de cette affirmation d'Elisabeth Badinter. On veut absolument dépassionner le monde. Alors, voici le temps de la différence devenue norme, et voici le temps de la servitude volontaire, acceptée avec bonheur. Et une fois encore, Jarry avait tout vu, avait raison, parce que dans Ubu enchaîné, là, je ne peux pas résister au plaisir de lire le chant des hommes libres. Nous sommes libres, n'oublions pas que notre devoir, c'est d'être libres. Allons moins vite, nous arriverions à l'heure. La liberté, c'est de ne jamais arriver à l'heure. Jamais, jamais, jamais pour nos exercices de liberté. Désobéissons avec ensemble. Non, pas ensemble. Une, deux, trois. Le premier à un, le deuxième à deux, le troisième à trois. Voilà toute la différence. À quoi je peux ajouter, voilà la différence intégrée qu'on nous propose aujourd'hui. Annie Lebrun, on a dit que vous étiez antiféministe, oui. Violemment. Pourtant, vous êtes vous-même une femme libre. Ça, c'est beaucoup dire, mais enfin, je n'irai pas jusqu'à près de le prétendre. Mais enfin, d'être une femme libre. Bon, mais je pense que j'avais déjà un petit peu réfléchi à la question, là, en 77, quand j'écrivais. Est-il besoin de le rappeler ? En matière de révolte, nul n'a besoin d'ancêtres, mais aussi d'ajouter, et surtout pas de conseillères techniques, pressées d'échanger les recettes de l'insoumission féminine de A à Z. Devant l'ampleur des crimes plus ou moins légalement perpétrés, non seulement à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard de tous les réfractaires à la codification sociale des rôles sexuels, et parmi eux tout particulièrement les homosexuels, je considère cette révolte trop nécessaire pour ne pas vouloir perturber le concert des voix de ceux ou celles qui prétendent l'abstraire de cette obscurité individuelle où elle prend violemment corps et puise ses forces bouleversantes. J'y insiste. Cette révolte est toujours une atteinte au moral de la collectivité, quelles que soient les bases qui fondent celle-ci. Alors, comment ne pas voir que chaque femme se trouve aujourd'hui virtuellement dépossédée de cette reprise individuelle, quand elle ne prend pas garde que chacune de ces incartades risque d'être détournée pour servir à la construction d'une idéologie aussi contradictoire dans ses propositions que totalitaire dans ses intentions ? La voici même plus ou moins tacitement encouragée de toutes parts à exposer les revendications de son sexe depuis que la prétendue cause des femmes exhibe une image de la révolte apprivoisée sous les filets de la normalisation négative que notre époque s'entend si bien attendre jusque sur les terres les plus reculées de notre horizon sensible. Méprisant depuis toujours les maîtres qui ont des mœurs d'esclaves, comme les esclaves impatients de se glisser dans la peau des maîtres, j'avoue que les affrontements habituels entre les hommes et les femmes ne m'ont guère préoccupée. Ma sympathie va plutôt à ceux qui désertent les rôles que la société avait préparés pour eux. Ils n'ont jamais la prétention de construire un monde nouveau. Et c'est en cela que réside leur honnêteté fondamentale. Ils ne feront jamais le bien des autres malgré eux, se contentant d'être les exceptions qui dénient la règle, avec une détermination souvent capable de bouleverser l'ordre des choses. Oscar Wilde m'intéresse plus que n'importe quelle bourgeoise qui a accepté de se marier et de faire des enfants et qui un beau jour se sent brimée dans sa très hypothétique créativité. C'est ainsi. Je ne dresserai pas la liste de mes préférences à cet égard. Ce serait inutile et accablant pour la cause des femmes. Et un des chapitres se termine par ceci. Ce livre est un appel à la désertion. Oui. Vous récidivez, vous signez. Je récidive.